attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Ah oui, c'est moi. Bonjour. Alors, vous êtes bien sur Radio Campus. Il est midi samedi 29 novembre 2025 et vous préparez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et même DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, Morgane, Christian, Quentin et moi-même aux manettes. Et donc Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Florent, nous recevons aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui de l'actualité vraiment brûlante, puisqu'il n'y a pas deux jours, vous savez, que l'Assemblée nationale, au lors d'un niche fiscal de LFI, il était question d'une proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal, en France bien sûr, afin de préserver la souveraineté industrielle de la France. Or, cette nationalisation dès le mois de mai, de mémoire, Thomas Dallery, avec Tristan Onfray, avait produit une note qui s'appelle « Nationaliser ArcelorMittal ». Je ne me trompe pas, Thomas ? Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. C'est vrai, on avait travaillé donc avec Tristan Onfray, un collègue de l'Université Paris 13, sur un projet de nationalisation de l'entreprise ArcelorMittal, en tout cas des sites français d'ArcelorMittal, en lien avec les camarades de la CGT, du site de Dunkerque, Gaëtan Lecoq, et puis Reynald Cashber, qui nous avait contactés pour travailler sur ce sujet-là. Ah ben, on va y venir tout de suite. Donc, Thomas Dallery, pour les invités, les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas, ce qui est déjà une faute, il est déjà devenu à l'émission. Il est venu à l'émission pour son livre « L'entreprise liquidée », qui date quand même de 2016. Ça ne nous rajeunit pas. Tu es venu deux fois à l'émission, non ? Oui, je crois que j'étais venu une deuxième fois aussi parler de l'inflation. C'est ça, de l'inflation, exactement. Oui. 2021-2023. Alors, tu as participé aussi aux travaux de l'IRES avec Laurent Cordonnier, le coût du capital et l'entreprise sous perfusion, il me semble. C'est ça. On avait fait plusieurs rapports de recherche pour la CGT. Ouais. Un premier rapport qui était sur le coût du capital, donc à quel point la pression des actionnaires limite les capacités d'investissement des entreprises et pénalise ainsi l'ensemble de l'activité dans l'économie. Et puis on avait aussi plus récemment travaillé sur le sujet des aides publiques aux entreprises. C'est ça. Et à quel point ces entreprises étaient gavées sous perfusion d'argent public pour essayer de maintenir un peu de compétitivité, mais aussi, bien sûr, pour distribuer des dividendes par ce biais-là. Mmh. Ce qui a été confirmé, d'ailleurs, vos travaux, par un sénateur dans un rapport parlementaire sur les entreprises. On avait découvert ces 211 milliards d'euros l'année 2023, je crois, et vous y étiez très proche, notamment le travail avec Abdel Salam, je me semble. Aussi c'est dans ça, ce groupe. C'est ça. Il y avait Ayman Abdelsalam qui avait beaucoup travaillé aussi sur le chiffrage. Et nos chiffres étaient un peu en dessous du chiffre qui est sorti au niveau du Sénat, mais parce qu'on avait arrêté le décompte avant. Et oui, donc, processus de distribution d'aide publique aux entreprises ne cesse de s'accroître année après année. Plus on attend pour mesurer le phénomène, et bien plus le chiffrage sera démesuré. Le sénateur devait d'ailleurs préciser hein, que c'était vous étiez le plus proche de céder. Bien, on va revenir à la nationalisation d'ArcelorMittal. Alors, une première question toute bête. Tu as déjà répondu un peu avec Quashbur et puis le nom m'échappe. D'où vient cette idée? Pardon? Gaëtan Lecoq. Évidemment, en plus, Aurélie Trouvé le cite dans son intervention à l'Assemblée nationale. Donc, ils vous ont suggéré, vous avez décidé, comment ça s'est passé alors? En fait, au départ, c'est même une mise en contact qui est intervenue entre donc les camarades CGT du site de Dunkerque, donc Reynald et Gaëtan, et Clotilde Dozier qui travaille à Fakir, qui suit le dossier pour Fakir Press. Et on a été mis en contact par cet intermédiaire-là, et on a travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même finalement, puisque le temps s'est allongé, sur un projet de nationalisation, et voir avec eux, puisqu'ils sentaient venir depuis plusieurs mois. Hein. Donc là, on a remis le rapport en mai, mais depuis plusieurs mois, les salariés de Dunkerque sentaient venir quand même un plan de licenciement, et ce plan de licenciement a été annoncé en cours de la rédaction du rapport, donc il n'a pas surpris les salariés, et il confirmait une tendance que nous, on avait déjà identifiée dans notre rapport, hein, qu'on était en train d'écrire sur le désengagement progressif d'ArcelorMittal des sites européens. On a eu ArcelorMittal sous le devant de la scène d'actualité depuis plusieurs années, hein, maintenant. Je veux dire, en France, c'est pas la première fois qu'on entend parler de cette entreprise. Elle a eu des mésaventures dans le bassin lorrain avec Gandrange, avec Florange. Et donc là, c'était un énième plan de licenciement qui était annoncé avec en creux une perspective à moyen terme d'une fermeture d'autres sites d'ArcelorMittal à l'échelle française et à l'échelle Europe plus largement. Oui, donc c'était, j'allais dire, oui, c'est forcément depuis avant 2024, y compris, quoi. Oui, c'est bien plus ancien, en fait. On avait calculé, et c'était sur une période d'une quinzaine d'années, mais on pourrait même remonter plus loin que ça, mais les chiffres qu'on avait arrêtés, c'était sur cette période-là, c'était entre 2011 et puis 2024. Au niveau européen, on a une réduction de la production d'acier brut par ArcelorMittal de 30% à peu près, un tiers de moins de production européenne par ArcelorMittal Europe. Ouais. Et dans le même temps, en fait, on a un effet ciseau, on a réellement une relocalisation des activités d'ArcelorMittal à l'échelle internationale, puisque dans le même temps, la production d'ArcelorMittal au Brésil a progressé de combien? Ah, bah 30%. Donc on a bien un déplacement dans l'espace de la production d'acier brut par ArcelorMittal. Alors pour partie, bien sûr, ces déplacements de production correspondent à des dynamiques de demande. Les marchés européens ne sont pas aussi dynamiques peut-être que les marchés émergents au Brésil ou en Inde, où ArcelorMittal essaye aussi de plus en plus de se développer. Mais on a bien clairement eu une réduction de la production en Europe d'acier brut, avec bien évidemment des conséquences sur les sites de production et l'emploi. Oui, bien sûr. Ça participe en gros de toute façon de la baisse de l'industrie française qui est passé en dessous de la barre des 10%, Quentin? C'est ça, en fait, on a un mouvement plus global. ArcelorMittal, c'est un peu un cas emblématique, bien sûr, puisque en fait, on est sur une industrie lourde, une industrie qui correspond à des milliers d'emplois à chaque fois, à chaque site industriel. Enfin, les gros fourneaux, ce qu'on appelle la filière fonte, qui fabrique l'acier à chaud, c'est des milliers d'emplois à chaque fois. Donc, on a des gros sites industriels. Et en fait, sur les dernières décennies, la France s'est très largement désindustrialisée. On a perdu des bastions industriels d'ampleur, que ce soit bien sûr dans le textile. Dans la région, on a été frappé au premier chef. On a eu d'autres fermetures de sites industriels très importants, notamment autour du bassin minier. Donc, on a une désindustrialisation qui est marquée au niveau national, et qui n'est pas forcément compensé totalement par la création d'emplois dans des activités annexes. Alors, les économistes aiment bien souvent rappeler cette grande belle image de ce qu'on appelle le déversement. L'idée que quand vous avez de l'activité qui s'arrête dans un secteur, ça permet de faire émerger un nouveau secteur d'activité. Et donc, historiquement, on racontait que l'histoire de nos sociétés, c'est celle du déversement dans un premier temps des emplois du secteur primaire, ce qu'on appelle le secteur primaire, c'est l'agriculture principalement. Donc dans un premier temps, au moment de la révolution industrielle, on va dire 19e siècle, mais même un peu avant, on a vu des emplois qui ont quitté les champs pour venir dans les usines naissantes avec la révolution industrielle. Et puis on a eu un deuxième déversement qui s'est amorcé finalement dès le début du XXe siècle et qui s'est consolidé surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle avec un déversement des emplois des usines vers les bureaux, du secteur secondaire, les usines, vers le secteur dit tertiaire, les bureaux. Et donc ça, c'est ce qu'on aurait eu et qui s'est approfondi ces dernières années. Et la disparition éventuelle de la production d'acier brut en France signerait quelque part le chapitre final de cette histoire de la désindustrialisation. Alors effectivement, vous abordez tous les deux dans votre note des économistes atterrés. Oui, j'ai oublié de dire que tu étais économiste atterré, comme Tristan d'ailleurs. Les causes carrément structurelles de la crise sidérurgiste aujourd'hui, en fait. Ben c'est ça, en fait. Il y a une histoire de la désindustrialisation qui est quasi générale et qui peut s'expliquer pour tout un tas de raisons. Et puis après, il y a aussi un faisceau d'explications qui touche plus particulièrement le secteur de l'acier. Ces dernières années, on a connu des difficultés dans le secteur de l'acier, notamment du fait de l'émergence de la Chine dans la production d'acier, qui s'est industrialisée à vitesse grand V. Et le marché chinois a créé, par cette dynamique d'implantation de nouveaux sites industriels en Chine, ce marché chinois a généré ce qu'on appelle des surcapacités de production à l'échelle mondiale. La Chine, c'est à peu près la moitié de la production mondiale d'acier. Et l'acier, on en a besoin pour tout un tas d'activités. C'est le premier chaînon de la chaîne industrielle. Finalement, les autres industries ont besoin d'acier. Si vous pensez à l'industrie automobile, on a besoin d'acier. Si vous pensez à la construction, on a besoin d'acier, etc. etc. Je vais pas l'aéronautique, le train, etc. Oui, bien sûr. Oui, on a besoin d'acier partout. Mmh. Et la Chine s'était engagée dans une stratégie d'ouverture massive de sites industriels pour essayer de, bien sûr, satisfaire ses besoins locaux. Vous avez un pays qui se développe très rapidement, une industrie automobile qui va vite, un marché immobilier aussi en Chine qui était en forte croissance. Mais l'arrêt, ou en tout cas le ralentissement de la dynamique chinoise dans le domaine immobilier, du fait de pressions aussi financières liées à de l'inflation, liées à des taux d'intérêt particuliers, bref, on a eu des sources d'instabilité 100% chinoises d'une certaine manière, qui ont poussé ces surcapacités de l'industrie sidérurgique chinoise à se dire on est mal calibré, on a une production qui est trop abondante, il faut qu'on trouve des débouchés. Et là-dessus est venu se rajouter la fermeture du marché américain aux produits chinois avec l'arrivée de Donald Trump. Mais dès Biden, on avait déjà un mouvement qui se tournait pour essayer de restreindre l'accès au marché américain pour les produits chinois. Et donc cet acier chinois qui ne trouvait plus à s'écouler sur le marché domestique, qui ne pouvait plus vraiment se tourner vers le marché américain pour trouver des clients, eh bien cet acier chinois s'est orienté vers la région du monde qui a tendance à toujours faire un bon accueil dans le commerce international aux produits qui viennent de n'importe où. Eh bien c'est l'Europe. Oui. L'Europe qui ne s'était pas protégée et qui a donc vu arriver dans un premier temps ce qu'on appelle la vague de l'acier chinois qui a été produit bien sûr dans des conditions sociales, environnementales, fiscales également, bien plus avantageuse, eh bien ces aciers chinois arrivent en Europe bien moins chers que ceux qu'on fabrique sur place, et ça liquide la compétitivité des producteurs d'acier en Europe. Donc ArcelorMittal n'est pas le seul à avoir des difficultés sur le secteur de l'acier. D'autres entreprises ont eu des problèmes. On a bien sûr eu le cas la semaine passée avec Ascoval. On a aussi eu ces derniers mois ThyssenKrupp en Allemagne, qui a annoncé des plans de licenciement massifs, des fermetures de sites, des arrêts d'investissement. Donc, il y a un réel bouleversement au niveau de l'acier en Europe, du fait de cette concurrence de l'acier chinois, mais aussi du fait d'autres facteurs conjoncturelle, en tout cas cyclique, liée au prix de l'énergie, puisque la production d'acier, c'est une activité qui est extrêmement intensive en énergie. Vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Alors, on pourra peut-être y revenir, puisque ça fait partie des enjeux liés à la décarbonation bien sûr, oui. de cette production d'acier. Mais le coût de l'énergie ayant flambé aussi au moment de l'épisode inflationniste entre 2021 et 2023, c'était une difficulté supplémentaire pour le secteur de l'acier. Donc, concurrence extérieure, augmentation du prix de l'énergie, on avait un secteur qui est pris finalement entre deux feux et qui a du mal à s'en sortir. Une question de Quentin. Oui, quand vous faites l'exposition des transitions, qu'on passe d'une société avec beaucoup d'emplois agraires, ensuite beaucoup d'emplois industriels et ensuite beaucoup d'emplois de services, il y a une notion justement que les économistes parfois oublient et qui est un peu dur à formuler quand on est de gauche, c'est la notion de souveraineté, c'est-à-dire qu'en fait, à force de mettre de côté certaines activités, on n'est plus maître de où est produit ce qu'on mange, dans quelles conditions, et du coup, où est produit notre acier et dans quelles conditions. Est-ce que du coup, ça, c'est pas aussi un levier, c'est qu'on a abandonné, on a laissé faire sur ces sujets-là, et on se retrouve aujourd'hui avec les taxes Trump, mais avec aussi un contexte international qui peut parfois être tendu, de se dire peut-être que l'acier dont on aura besoin demain, par exemple pour la transition énergétique, il sera soumis au fait qu'on ait des diplomaties tout à fait... tout à fait... dans le sens de celle de nos fournisseurs d'acier, parce qu'on aura besoin d'eux, parce qu'on n'aura plus de sidérurgie en France. Et une perte de savoir-faire, du coup. Aussi. Oui, effectivement. Alors après, les économistes ont beaucoup de défauts, et c'est sûr qu'ils ont tendance à s'imaginer vivre dans un monde très fluide, très liquide, où tout s'ajuste sans problème. Dans le récit que j'avais repris sur ces histoires de déversement, déjà on voit le terme déversement, on est en plein liquide, et bien dans le déversement, il y a l'idée que finalement, il n'y a jamais de perdant dans nos histoires de processus économique. Vous avez perdu votre boulot dans une usine, c'est pas grave, vous allez être réembauché derrière dans le secteur des services. Il y a l'idée quasiment que vos compétences s'adaptent quasiment en direct aux besoins des employeurs. Donc, souvent, les économistes, dans ces histoires liées à la mondialisation, ont tendance à oublier ce qu'on appelle les perdants liés à la mondialisation. Ils pensent que c'est un processus gagnant-gagnant, tout le monde y gagne à tout moment. Donc déjà, ça, les économistes, ils ont tendance à l'oublier, et c'est les différentes contestations électorales qu'on a connues ces dernières années. On peut parler du Brexit, on peut parler de l'arrivée de Trump, on peut parler aussi, bien sûr, des scores de l'extrême droite un peu partout sur le continent européen. Tout ça, c'est en partie lié au fait qu'il y a une réaction des catégories de population qui ont des fois été victimes de cette mondialisation, contrairement à ce que les économistes pensaient que tout le monde pourrait finalement gagner. Eh bien, ces catégories de population ont tendance aussi à réagir électoralement. Maintenant, sur le plan de la diplomatie et de la souveraineté, clairement, nous, ce qu'on défendait dans notre rapport avec Tristan Aubry, c'était l'idée que tous les discours européens qu'on entend ces dernières années sur on a besoin d'une souveraineté européenne, d'une autonomie stratégique au niveau européen dans le cadre de relations internationales qui sont beaucoup plus incertaines qu'il y a quelques mois encore. Et donc, on est plongé dans un monde où on se dit on n'est plus sous le parapluie militaire américain, on a besoin d'avoir une défense européenne indépendante, d'un allié qu'on a plus forcément autant de certitudes qu'avant de voir à nos côtés. Et si vous voulez une défense autonome en Europe, et bien en fait, il n'y a pas de secret, vous avez besoin de produire de l'acier. Et si vous n'avez plus de production d'acier brut en Europe, vous dépendrez forcément des fournitures que pourront vous adresser ou au contraire restreindre d'autres sites de production. Donc si vous n'avez pas d'acier produit en Europe, vous n'aurez pas d'industrie de l'armement, vous n'aurez pas d'industrie de la défense. Et ça va tout simplement paralyser votre capacité à vous défendre sur le plan militaire. Mais au-delà de la question militaire, il y a aussi toute la question de l'industrie, des industries de demain. La transition écologique, vous avez besoin de panneaux solaires, vous avez besoin d'éoliennes. Tout ça, ça suppose de l'acier. Vous voulez faire une transition des mobilités, renforcer les transports en commun, que ce soit les rails, les bus, les métros, la voiture, si vous pensez à la voiture électrique comme outil de transition, tout ça requiert forcément une production d'acier. Et si vous abandonnez la production d'acier brut à l'étranger, eh bien, vous serez dépendant. Vous serez forcément dépendant du bon vouloir de ces fournisseurs étrangers de vous approvisionner pour alimenter votre industrie nationale. Autant dire que les beaux discours sur cette autonomie, cette souveraineté européenne, ils ne tiennent pas la route si vous n'avez pas de production d'acier indépendante. C'est ça, pour faire la guerre contre la Russie, il va falloir acheter l'acier en Chine, c'est bien ça, j'ai bien compris. Morgane, une question peut-être. Ouais, du coup, sur cette question-là, on peut dire quelle a été l'action ou au contraire l'inaction de l'État ? Quelle aurait pu être les marges de manœuvre de l'État en la matière, en fait ? Les marges de manœuvre de l'État, en fait, paradoxalement, pour le coup, l'exemple, il peut nous venir du Royaume-Uni, qui est quand même loin d'être le pays à l'avancée des progrès sociaux ou de la planification soviétique. Hein. Mais le Royaume-Uni avait, l'année dernière, déjà dû en fait, se saisir du dossier de l'acier, puisque lui aussi était mis en difficulté par l'acier chinois qui arrivait, etc. Et donc le gouvernement britannique a dit « bon ben nous on va mettre sous tutelle British Steel, leur industrie nationale d'acier, qui connaissait de grosses difficultés, donc il était aux mains d'un actionnaire chinois qui se révélait défaillant, et ils se sont dit « ben non, on va le mettre sous tutelle et on va essayer voilà, de redresser ». Alors au début c'était une simple mise sous tutelle, ce qui est un cas particulier, la mise sous tutelle c'est une espèce de nationalisation qui ne s'assume pas totalement, parce que le mot nationalisation faisait quand même peur à nos lords britanniques, et donc ils ont dit non, on va faire une mise sous tutelle, c'est plus simple. Mise sous tutelle, c'est le gouvernement qui prend les décisions à la place du propriétaire de l'entreprise, mais qui ne prend pas la propriété de l'entreprise. Donc on ne devient pas propriétaire de l'entreprise avec une mise sous tutelle, on prend les décisions stratégiques, et par contre, vu que l'actionnaire, le propriétaire est défaillant, on assure la trésorerie. Donc on fait face aux coûts, et on doit payer de la poche des contribuables pour assurer la gestion de l'entreprise sans être propriétaire. Donc une mise sous tutelle, c'est quand même un cas un peu particulier. Certes, il n'y a pas le coût du rachat de l'entreprise à avoir au début, mais en termes de flux de trésorerie, de fonctionnement de l'entreprise, c'est la puissance publique qui est censée assumer sans avoir la propriété. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Ils ont fini par devoir à la fin se rendre compte que ce n'était pas possible et entamer une nationalisation. Et on avait aussi eu le cas en Italie, où un grand site industriel du sud de l'Italie qui s'appelle Ilva avait été lui aussi récupéré par l'État italien. Donc, en fait, une nationalisation, ça peut se faire, y compris dans le cadre européen, et c'est quelque chose qu'on aurait pu faire bien plus tôt. Là, on a beaucoup attendu pour le faire, et tout le temps perdu ici en attendant de lancer ce débat, c'est du temps où, en fait, les sites de production d'ArcelorMittal en France continuent à vieillir, à ne pas être suffisamment bien entretenus, puisque la stratégie de l'actionnaire principal, c'est de laisser mourir à petit feu les sites français, notamment. Et donc, c'est du temps perdu pour remettre l'entreprise sur pied. Et c'est dommage. Donc, l'État aurait pu intervenir bien plus tôt. Et dans le secteur de l'acier, il l'a déjà fait par le passé, en fait. Oui, bien sûr. Voilà ce qui s'était passé dans les années 80. Les difficultés de l'acier, Arcelor, en fait, ça vient justement de nationalisation précédente. Hein. Les plus anciens d'entre nous pourront se rappeler Usinor, l'existence d'Usinor. Ou si on évoque encore le nom précédent, on peut aussi parler de Solac. Donc, vous avez des sites industriels qui avait été mis sous une propriété publique dans les années 80 pour faire face aux difficultés qu'on connaissait à l'époque. Et les entreprises ont été de nouveau privatisées au milieu des années 90. Donc le destin de l'acier en France est en permanence agité entre voilà, des phases de privatisation, de nationalisation. C'est une industrie particulière, ça représente des coûts colossaux. C'est une industrie stratégique pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées avec la question de la défense. Et d'ailleurs, ce n'était pas innocent que c'était cette industrie qui était à la base du processus de construction européenne. Si on se rappelle, les premiers pas de l'Union européenne, c'était la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier. On mettait en commun à l'échelle européenne la production d'acier et la production de charbon parce qu'on avait bien conscience que si ça s'était mis en commun, les économies européennes ne pourraient plus faire la guerre. Les armées européennes ne pourraient plus faire la guerre car on aurait mis en commun le nerf de la guerre, ce qui permet de faire la guerre, enfin, ou la défense, si on veut avoir une vision un peu plus positive, c'est ça, oui. L'acier et le charbon. Mmh. Et alors, sur le que fait l'État, ben, quand même, l'État n'a pas été complètement absent de l'État français, puisque j'ai eu cette proposition de nouveaux fours électriques que Carcelor a laissé tomber. Enfin, il y a toute cette histoire. Et puis, il y a l'autre aspect dont tu viens de parler, c'est effectivement l'Europe. L'Europe a l'air de réagir quand même avec son plan d'urgence pour la sidérurgie. C'est ça. Alors, en fait, au niveau de l'État français, l'État n'a pas rien fait, mais en fait, il a fait pour Arcelor ou pour la sidérurgie ce qu'il fait pour l'ensemble des entreprises françaises, c'est-à-dire qu'il avait multiplié des aides publiques. Il versait beaucoup d'aides publiques à ArcelorMittal. Donc ça, c'est déjà ce qu'il essayait de faire pour la maintenir à flot, même si, on pourra peut-être y revenir aussi, mais ArcelorMittal avait une stratégie d'optimisation fiscale ultra agressive, au point qu'en fait, c'était plus que de l'optimisation, c'était de la fraude fiscale. Hein. ArcelorMittal est aussi coupable de réduire son profit en France de manière illégale pour localiser ses profits, notamment au Luxembourg. Et donc, il avait été victime d'un redressement fiscal pour corriger ses pratiques comptables. Donc, l'État, en tout cas, essaye quand même, malgré cette mauvaise volonté d'ArcelorMittal de jouer réellement le jeu, l'État essayait quand même d'aider l'entreprise via des mesures d'aide publique, de subventions qui étaient très importantes dans les différentes commissions sénatoriales et au niveau de l'Assemblée nationale dans lesquelles il a été auditionné. Le président avait mentionné des chiffres, hein, c'est plusieurs centaines de millions d'euros chaque année qui arrivaient dans les caisses d'ArcelorMittal par la puissance publique. Maintenant, au niveau européen, donc, il y a effectivement des mesures qui ont essayé d'être mises en place, mais comme souvent avec l'Europe, hein, c'est trop peu, trop tard, comme on dit dans le domaine de la politique monétaire pour parler de la Banque Centrale Européenne, mais ici on peut aussi le dire pour parler des protections mises en place par l'Europe. Alors, il y a un cadre qui est très, en première instance, qui est très vertueux, qui a essayé de mettre en place l'Union européenne, c'est le cadre du marché européen du carbone, des droits à polluer, en gros. Mmh. C'est-à-dire que pour essayer d'aller vers la transition écologique, l'Union européenne avait dit bah, « maintenant, on va fixer un prix à la tonne de carbone ». Si vous émettez beaucoup de carbone, vous devez payer des quotas sur un marché sur lequel vous pouvez en acheter ou en vendre. En tant qu'industriel, il y aura des échanges possibles. Mm-hmm. Donc, c'est un marché sur lequel on va vendre des droits à polluer. Et l'idée, c'est que, bah, en faisant ça, puisque la tonne de carbone coûte cher, ça inciterait les industriels à faire des investissements de décarbonation pour ne pas avoir à payer ces droits d'émission, voire pour les vendre, ces droits d'émission de carbone, puisqu'ils n'en ont plus besoin quand ils ont fait des investissements vertueux, ils peuvent les vendre sur le marché et ça leur rapporte de l'argent. Donc c'était le mécanisme un peu incitatif par excellence qu'aiment bien les Européens, un marché pour régler un problème. On avait donc ce marché des droits d'émission de carbone qui a été mis en place, mais forcément ça a posé un problème puisqu'on s'est vite rendu compte, ah mince, si on oblige uniquement les entreprises européennes à devoir payer pour les tonnes de carbone qu'elles émettent, les entreprises qui produisent à l'extérieur de l'Europe, elles ne sont pas soumises à cette taxe-là, à ces droits carbone. Et donc, c'est un désavantage en termes de compétitivité pour nos entreprises européennes. On a essayé de mettre en place, de ce fait-là, au niveau européen, ce qu'on a appelé le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc MACF pour son acronyme en français. Mmh. Et ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça vise à éviter ce qu'on appelle les fuites de carbone. L'idée que les entreprises, plutôt que de fabriquer en Europe et de devoir payer ses quotas carbone, iraient se localiser à l'extérieur de l'Europe et ensuite importeraient leur production au niveau du marché européen. Donc ça, c'était pour éviter ça, on s'est dit, on va mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Les produits fabriqués à l'extérieur de l'Europe, quand ils arriveront en Europe, ils seront frappés d'un surcoût correspondant à ce qu'ils auraient payé, à ce que les entreprises auraient payé si elles avaient produit sur le territoire européen. Donc ça, c'était plutôt une bonne idée. On se dit, on va essayer de s'ajuster. Mais on s'est ajusté relativement tard. Au niveau européen, on avait aussi un autre mécanisme qui s'est mis en place. Celui-ci, dès 2019, qui dépend de ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde. Donc on voyait arriver le problème de l'acier chinois, déjà, dès cette époque-là. Et on s'est dit, bah, on va mettre en place des quotas d'importation d'acier chinois et d'acier en fait même du reste du monde. Mais la principale visée, c'était la Chine. Et donc on se dit, si vous avez besoin d'acier, vous avez le droit d'en acheter X tonnes par pays. Et puis on fait selon les types de produits, on fait une belle bureaucratie européenne, un détail produit par produit des quantités d'acier que chaque pays a le droit d'acheter en provenance de l'extérieur de la zone. Sauf que les quotas qui ont été fixés à des niveaux beaucoup trop élevés, ce qui ne permettait pas de réduire la vague d'importation de ces différents pays. Et au-delà du quota, l'Union européenne avait mis en place, dans le cadre de ces mesures de sauvegarde, un droit de douane. C'est-à-dire que les quantités dépassant le quota fixé pour chacun de ces produits d'acier, les quantités au-delà des quotas étaient frappées d'un droit de douane de 25% initialement. Et dans les mesures actuellement en discussion, qui avaient été d'ailleurs désirées par ArcelorMittal, il était question de faire passer ce droit de douane à 50%, de doubler le droit de douane qui frappe les importations au-delà des quotas. Et il était aussi question d'abaisser les quotas d'importation pour être un peu plus sensible à notre marché européen et à favoriser la production européenne. Donc l'Europe a quand même agi. Elle est en train d'agir, mais elle agit avec beaucoup de retard et avec une tendance quand même à laisser passer beaucoup d'importations. Son marché européen ne se referme pas aussi vite que se referme par exemple le marché américain. Et donc on a une perméabilité du marché européen aux importations qui est encore trop élevée. Oui, alors maintenant tu vas nous dire pourquoi la nationalisation est une solution réaliste et vertueuse par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. Alors la nationalisation, c'est une solution réaliste et vertueuse, mais ce n'est pas une solution qui va résoudre tous nos problèmes. C'est simplement un coup d'arrêt à la dynamique à l'œuvre d'ArcelorMittal de laisser mourir en fait à petit feu l'outil industriel en France, de perdre les compétences, de perdre les savoir-faire, de perdre la technologie. Et donc, si on laisse faire cet actionnaire, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fait, ça va venir très vite. Dans 4 ans, la production d'acier brut en France, elle aura disparu. Elle sera plus possible. Donc, c'est beaucoup d'emplois qui risquent de disparaître et il faut arrêter ça. Mais la nationalisation en tant que telle, le simple changement de propriété sur les sites industriels d'ArcelorMittal ne permet pas de résoudre tous les problèmes de l'acier. Il faut aussi, bien sûr, qu'on garantisse à cette entreprise désormais publique, si la nationalisation est bien lieu jusqu'au bout, eh bien, il faudra lui garantir à cette entreprise des débouchés. Et pour lui garantir des débouchés, il y a la question du renforcement des mécanismes européens dont on vient de parler, mais il y a aussi des questions liées à la dépense publique elle-même, de garantir à l'entreprise des débouchés, notamment par ce qu'on appelle des clauses de contenus locaux minimum. Dire au reste des industries nationales, l'industrie automobile, l'industrie de la construction, l'industrie ferroviaire, dire à ces industries-là, si vous voulez vendre sur le marché français ou sur le marché européen, parce que c'est plus intéressant de le faire à l'échelle européenne, ce genre de choses, si vous voulez vendre sur notre marché domestique, vos produits doivent incorporer X% d'acier fabriqué sur le sol européen ou sur le sol français. C'est quelque chose qui est de plus en plus employé, notamment aux États-Unis. Biden avait déjà mis en place ce genre de mesures. Et c'est quelque chose qui permet de protéger davantage nos marchés domestiques et qui donne des débouchés à nos entreprises, et notamment il y a une entreprise qui deviendrait une entreprise publique. Ouais, c'est vrai que c'est... Une question de Quentin. Non, ce que je me demandais, c'est la nationalisation des années 80 qui a donné lieu à une reprivatisation dans les années 90. On peut en conclure qu'on a une persistance de la sidérurgie en France et que c'était tout l'objectif. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le risque d'une privatisation d'investissement public, dans le sens où, si on veut nationaliser cette entreprise, on va faire des investissements importants pour qu'elle soit compétitive, pour qu'elle se modernise, pour qu'on ait de l'acier bas carbone, mais si à terme je fais un clin d'œil un peu sarcastique à un certain premier ministre soi-disant de gauche qui a énormément privatisé dans les années 90. Mais si on a de nouveau un Jospin qui vient tout vendre au privé, mais à des prix qui ne couvrent pas réellement l'investissement fait par l'État, est-ce qu'on n'est pas en train justement de créer une logique qui, certes, maintient la sidérurgie en France, mais au final, prend de l'argent public pour le donner au privé et qui est un peu une répétition des subventions qu'on fait actuellement sans contrepartie. Alors, c'est le risque avec la nationalisation. C'est le slogan traditionnel, hein, privatisation des profits, socialisation des pertes. On a un secteur en difficulté, on le nationalise pendant que c'est difficile. On fait des dépenses publiques pour essayer de remettre l'entreprise sur pied. Et éventuellement, dans les années 80, c'est ça aussi qui s'est passé. Faut comprendre que la nationalisation, elle n'aura pas forcément non plus bonne presse pour tous les salariés de la sidérurgie qui se souviennent que pendant les années 80, quand l'État est venu, ça a pu être sanglant en termes de coupes dans l'emploi. Donc l'État, quand il nationalise, ça dépend ce qu'il en fait derrière. Une fois qu'il a nationalisé, une fois qu'il a pris la propriété sur l'entreprise, c'est quoi sa politique ? Si sa politique, c'est d'essayer juste de remettre l'entreprise sur le pied le temps que ça aille mieux et puis ensuite de revendre, effectivement, c'est plus problématique. Mais une nationalisation, pour nous, ça doit se comprendre dans l'intérêt du long terme. On nationalise parce que vous avez affaire à un secteur qui est stratégique aujourd'hui, qu'il sera encore demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est un secteur qui doit être nationalisé, qui doit être public, parce que les raisons pour lesquelles on veut la nationalisation aujourd'hui, elles seront encore là demain. Donc, il faut que ça soit une nationalisation durable et pas une nationalisation temporaire, et ça permet d'éviter les biais de ce slogan là, on privatise les profits, on socialise les pertes. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que oui, la nationalisation, ça a un coût. Alors on pourra revenir aussi sur le coût. Le coût, il est pas si élevé que ça. On va y revenir, vas-y. Même... ouais, on peut dire, alors nous on l'avait chiffré à 1-2 milliards d'euros à l'époque. Alors depuis, comme le cours de bourse d'ArcelorMittal avait un peu bien augmenté jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est quasiment 40% de plus depuis le jour où on avait commencé à parler de nationalisation de notre côté. Donc ça rehausse l'une des méthodes de chiffrer le coût d'une nationalisation, pas forcément les autres, mais ça en rehausse en tout cas une partie. Donc on chiffre ça à 1 ou 2 milliards d'euros. Donc c'est pas une dépense qui est si importante que ça. Surtout si on la met en rapport en fait de ce qui était déjà prévu. On avait initialement sur le site de Dunkerque un projet de décarbonation de la production d'acier qui se fait actuellement avec des hauts fourneaux, ce qu'on appelle la filière fonte, où pour produire de l'acier brut, on mélange du minerai de fer avec du coq, du charbon, pour faire simple. Et forcément, ça émet beaucoup de CO2. On considère généralement que pour toute tonne d'acier brut produite ainsi par la filière fonte, on a 2 tonnes de CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Donc c'est une filière assez polluante de ce point de vue-là. Il y avait un projet de décarbonation de l'acier à Dunkerque, donc on allait changer le mode de production, on arrêtait les hauts fourneaux et on allait passer à ce qu'on appelle une production d'acier brut avec un four électrique. Alors le four électrique, on peut se dire, c'est décarboné, surtout si l'électricité qui l'alimente et elle-même décarbonée, dans le Dunkerquois, on se dit, bon, la centrale de Gravelines, ah oui. Il y a les projets d'EPR à côté, du côté de Bourbourg, donc on aurait a priori d'électricité décarbonée pour alimenter ce four à arc électrique. Mais c'est pas la seule chose, en fait. Quand vous passez à de l'acier décarboné, vous changez aussi ce que vous allez mettre dans le four. Là, à l'heure actuelle, pour ce qu'on appelle la filière fonte, c'est du minerai de fer. Si vous voulez faire fonctionner votre four à arc électrique, vous devez l'alimenter avec ce qu'on appelle, alors désolé, c'est un peu technique, avec du DRI, c'est le Direct Reduction Iron. Donc c'est du minerai de fer déjà réduit, et il doit être réduit au sein d'une usine qu'on appelle un DRP, qui, elle, cette usine, va fonctionner normalement avec du gaz naturel ou de l'hydrogène. Et le problème, c'est que ça, si ça fonctionne avec du gaz naturel, c'est carboné. À terme, le projet Dunkerquois prévoyait que ça soit avec de l'hydrogène vert, mais l'hydrogène vert, pour l'instant, c'est compliqué à le fabriquer. On n'est pas encore totalement maître de la technique pour le produire dans des quantités industrielles. Mais si on arrivait à le fabriquer avec de l'hydrogène vert, oui, là, vous auriez quelque chose de vertueux, puisque on met du minerai produit de manière verte dans un four électrique qui lui-même est alimenté par une électricité décarbonée. Donc on peut dire que là, on a réduit nos émissions de CO2. Mmh. Mais alors, le DRP qui produit du DRI, c'est une autre production d'où vient-elle celle-là? En fait, ce procédé-là, c'est vraiment, on remplace ce qu'on appelle le minerai de fer dans la filière fonte, on remplace le minerai de fer par ce fameux DRI. Et le DRI, d'accord, donc c'est quelque chose faire, qui ça. Peut, on peut le faire, d'accord, et c'est même quelque chose qui peut permettre en fait d'avoir de l'acier recyclé. Vous pouvez mettre de la ferraille dans votre DRP là pour l'alimenter, pour réduire ça en minerai de fer qui ira ensuite alimenter votre four à arc électrique. Donc ça c'est une possibilité, c'est extrêmement donc vertueux sur le plan environnemental, mais oui, ça a un coût. Et puis pour l'instant, l'alimentation du DRP avec de l'hydrogène vert, elle est pas garantie. Mais surtout, sur tout ce projet de décarbonation de l'acier à Dunkerque, il y avait un soutien public qui était massif. Le projet, lui seul, représentait un coût d'1,8 milliard au départ. 1,8 milliard d'euros par ArcelorMittal. Sauf que sur les 1,8 milliard, l'État allait mettre la moitié. Oui. C'est-à-dire 850 millions d'euros. Mmh. Et donc, l'État était prêt à mettre 850 millions d'euros pour décarboner, mais l'État ne serait pas prêt à mettre 1 à 2 milliards d'euros pour racheter la totalité des sites français d'ArcelorMittal. Donc non, il y a un coût de la nationalisation, certes, qui peut paraître élevé pour reprendre la propriété des sites français, mais ce coût n'est pas élevé. En réalité, ce qui coûtera réellement de l'argent derrière, c'est la remise sur pied des sites de production et leur décarbonation. On a le site de Dunkerque qui est décarboné, mais on a aussi le site de Fos-sur-Mer, à l'autre bout du pays, à décarboner, pour que la production d'acier soit beaucoup plus vertueuse sur le plan environnemental. Juste un chiffre là-dessus, hein, les deux sites, Dunkerque et Fos-sur-Mer, à eux deux, c'est 25% des émissions de CO2 de l'ensemble de l'industrie française. Oui, c'est effectivement considérable, en effet. Oui, donc l'enjeu de la décarbonation, il est primordial pour la production d'acier. Alors, sur cette décarbonation, donc, ce que j'ai compris, moi, du débat parlementaire, on va peut-être y venir un tout petit peu, c'est que, d'abord, Aurélie Trouvé a trouvé, ou les copains économistes ont trouvé un peu plus cher, puisqu'ils sont autour de 4 milliards de coûts pour le pays. Et l'autre chose, c'est qu'il faut au moins 4 ans pour créer ces nouveaux hauts fourneaux électriques. Donc, on est déjà dans un moyen terme, déjà coûteux, quoi. Alors, c'est effectivement le cas. Et en fait, c'est plus grave que ça encore, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont on parlait tout à l'heure, pour garantir un peu la compétitivité des entreprises européennes, l'Union européenne leur octroyait généreusement ce qu'on appelle des quotas gratuits carbone. On considérait que vous allez devoir payer une certaine somme d'argent par tonne de carbone émise, mais pour démarrer, pour vous habituer à ce nouveau marché du carbone, on vous donne des premiers quotas gratuitement. Comme ça ne va pas vous pénaliser. Sauf que la distribution de ces quotas gratuits, elle est programmée pour baisser progressivement. Et en fait, dès 2030, ça va être compliqué. Puisque dès 2030, les entreprises devront payer beaucoup plus cher leur tonne de carbone émise parce que les quotas gratuits ne couvriront plus la totalité de leur production de carbone réelle. Et donc, ils devront vraiment supporter le coût. Pour l'instant, en fait, la production de carbone, elle est quasiment subventionnée pour ces entreprises européennes qui reçoivent des quotas gratuits qu'elles peuvent éventuellement vendre sur le marché de carbone si elles ne les utilisent pas. Et comme la distribution était très généreuse, ça représente aussi un volume d'aide publique assez important pour une entreprise comme ArcelorMittal. Mais ce soutien-là va disparaître très vite. Donc la décarbonation, il faut la faire pour tout un tas de raisons. Déjà pour la planète, hein, puisque si on ne décarbonne pas la production d'acier en Europe, on va importer en Europe de l'acier carboné fabriqué au Brésil, en Inde, en Chine. Le carbone, une fois qu'il a été produit à l'autre bout de la planète, il reste quand même dans l'atmosphère. Donc si ce n'est pas nous qui le produisons, il sera quand même produit ailleurs. Donc c'est la décarbonation de l'acier, c'est pour la planète en elle-même, c'est déjà important. Mais décarbonation et nationalisation, même combat en fait. On a besoin en fait, puisque ArcelorMittal semble avoir mis entre parenthèses tous ces projets de décarbonation, en France mais aussi en Allemagne, Il y avait des projets du côté d'Hambourg, sur les sites allemands, de décarboner aussi, à la même manière que le projet d'un Kirquois, cette production d'acier allemande. Eh bien, ArcelorMittal a aussi mis entre parenthèses le projet, puisque ArcelorMittal est en permanence en train d'essayer de négocier des appuis publics, des subventions supplémentaires pour que les puissances publiques payent en réalité le coût de la décarbonation. Et ArcelorMittal est en permanence en train d'essayer de réclamer aussi que les frontières européennes se ferment aux produits qui viennent de l'extérieur de la zone euro. Et donc c'est un chantage permanent qu'ArcelorMittal exerce ici sur les pouvoirs publics. On a vu aussi avec le vote de la proposition de loi LFI, le président français d'ArcelorMittal qui nous disait « Mais une nationalisation, ça n'a pas de sens parce que vous allez sortir ArcelorMittal du groupe. » Et on pourra localiser la production d'ArcelorMittal plutôt dans les sites belges ou allemands plutôt que dans les sites français. En fait, vous avez une entreprise qui fait clairement prendre conscience que bah, si vous voulez nationaliser la boîte, on ne va pas charger le site, en fait. Nous, on a les consommateurs, on a les clients et on a les brevets aussi. Et donc, si vous nationalisez les sites, tant pis pour vous, vous n'aurez plus rien. Sauf que là aussi, ce chantage, il faut réussir à le déconstruire. Il existe tout un tas d'arguments pour faire réaliser à nos élus, aux sénateurs, qui auront à se prononcer prochainement pour voir si oui ou non la nationalisation a lieu. Il faut leur faire prendre conscience que en fait, tout ça, c'est du chantage et que on peut lutter contre ce chantage-là. On a les moyens de garantir à l'entreprise qu'elle va réussir à s'en sortir si elle est nationalisée. Eh bien, c'est la première étape avec la proposition de loi qui est adoptée largement jeudi. Adoptée, ouais. Et oui, c'est largement adopté. Bon, mais la droite s'est complètement a été absente, hein, quasiment. Et puis, il y a l'abstention du Rassemblement national. Donc, on craint fort la position du Sénat, évidemment, qui ne doit pas être trop pour. Bien, on va s'arrêter là en te remerciant, Thomas, d'avoir accepté dans l'urgence d'intervenir sur quelque chose qui te tient à cœur, ça on sait. Et je suppose que tu étais heureux quand tu as appris que le texte était adopté. Ah oui, non, mais c'était même une surprise, hein, puisque le Rassemblement national avait déposé des centaines d'amendements. 300, oui. Plus de 300, oui. Sur le texte. Et donc, le jeu, c'était d'essayer de pousser les débats à s'éterniser sur des virgules, des S ici ou là, pour que la fameuse heure limite de minuit soit dépassée et que la fenêtre parlementaire de LFI se referme sans que le vote ne puisse avoir lieu, et auquel cas, bon, bah, la proposition de loi était enterrée. Donc le RN avait fait de l'obstruction parlementaire à l'ancienne, on va dire, et donc j'avais peu d'espoir que ce texte soit mis au vote. Maintenant, il a été mis au vote, mais ça ne veut pas dire que la nationalisation est là. Hein. Il y a le texte maintenant va partir au Sénat, mais c'est maintenant en fait que l'argumentation doit porter au niveau des élus, au niveau des sénateurs, pour leur faire prendre conscience des conséquences qu'aurait la poursuite de la logique actuelle de l'actionnaire ArcelorMittal, qui est de simplement laisser mourir à petit feu les sites français. Et au total, ça peut être plus de 80 000 emplois. Si on prend les emplois directs, les emplois indirects, absolument, les emplois induits, oui. C'est énormément d'emplois qui seraient menacés. Et des régions complètes aussi, des territoires aussi. Et les territoires, bien sûr. Mais pour les finances publiques elles-mêmes, en fait, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est pour les finances publiques elles-mêmes, la nationalisation est économe par rapport à ce contrefactuel que serait la fermeture de tous les sites français d'ArcelorMittal et les dégâts en cascade que ça entraînerait. Ok, merci. Merci Thomas. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation dans l'urgence. Et je te souhaite bon dimanche. Merci. Et à vous. Bientôt, certainement. À bientôt. Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées. Plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier. Et donc c'était Les Mains d'Or de Bernard Lavillier, donc musique de 2001. Oui, ceux qui ne connaissaient pas sont priés de sortir de la radio. Donc, in memoriam, nous avons appris le décès de René Passé. Alors, tout le monde ne connaît pas René Passé, moi un peu quand même. C'est le premier président, en fait, du Conseil scientifique d'Attac, quelqu'un qui a travaillé sur l'économique et le vivant et qui a été critique de cette prétendue science économique qui reste sourde et aveugle aux interactions entre l'humanité et la nature. Une coévolution, disait-il. Enfin, un homme brillant, et puis ses livres ont été réédités. C'est toujours un plaisir de les lire. Oui, on en vient sur la manifestation nationale Solidarité Palestine à Paris le 29 novembre 2025, en fait. Donc, Attac et l'ensemble des organisations du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens appellent à se mobiliser massivement lors de la manifestation nationale le 29 novembre à Paris pour la défense des droits du peuple palestinien sur la base du droit international. Donc, on parle d'autodétermination du peuple palestinien qui doit être l'acteur de son propre destin et au droit au retour des réfugiés palestiniens. On parle de fin d'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. On parle également de sanctions contre Israël et d'un cessez-le-feu définitif et la fin du génocide. Au niveau local, on relaye l'appel à la grève du mardi 2 décembre dans l'école, la fonction publique et les transports. Donc la CGT, Solidaire et FSU appellent dans leur communiqué à amplifier nos mobilisations de la rentrée pour mettre la pression pour obtenir la justice fiscale sociale, fiscale et environnementale dans ce budget. Les premières semaines de débats parlementaires démontrent que sans la mobilisation du monde du travail, ce budget aura des conséquences catastrophiques pour les travailleurs et travailleuses, pour nos services publics et pour l'avenir de notre pays. Rien n'est encore joué car le débat budgétaire durera jusqu'à la mi-décembre. Oui, en effet. Très local, là, Lillois carrément. Un documentaire de Romain Lefebvre, La ville en friche, sur la lutte que nous menons contre l'urbanisation de la friche Saint-Sauveur, évidemment. Et c'est pour ça que vous retrouvez à la fois notre copine Bénédicte Vidaillé et Yolande Vindels, qui sont tous les deux membres du Parc Saint-Sauveur. Et c'est dimanche, demain, 30 novembre à 16h, à la mairie du quartier des Bois Blancs. Ensuite, on parle de la parution de deux livres récents d'attaque dans la collection Comprendre pour agir. Donc, L'énergie de notre avenir, socialisons-la, aux éditions Les Liens qui libèrent, paru en 2025, qui coûte 8 euros. On ne sera pas étonné de trouver dans les auteurs Anne Degbréjas et Gabriel Delaplace, reçus ici même. Ensuite, Travail, climat, même combat. Une alliance de l'écologie et du travail est nécessaire pour rendre possible et désirable une véritable bifurcation écologique. Alors, un mot quand même sur ces bouquins, puisque Anne de Bregéa, c'est quand même quelqu'un d'important, enfin, dont tous les écrits doivent être lus, celui-ci en particulier. Eh bien, dans l'énergie de notre avenir, socialisons-la, il y a deux graphiques qui opposent effectivement avant la libéralisation et après la libéralisation de l'électricité en France. Et on voit toute la complexité qui a été ajoutée dans ce nouveau schéma, dans ce livre. C'est quand même, pour le coup, très intéressant. Et puis, il y a un autre aspect qui me plaît aussi des histoires, c'est l'histoire d'avoir un service public de l'électricité et non un monopole public comme on avait dans le temps. C'est pour ça qu'on parle de socialisation et non de monopolisation. Voilà. Oui, vous avez terminé. Il faut croire, hein, oui. Ok, bon, je vais faire une petite annonce cet après-midi à partir de 14h à la Bourse du Travail de Lille. Il y a un événement Block Friday contre la surconsommation, donc avec ateliers de réparation, vélo, téléphone, ordinateur, échange de fringues, une friperie, reprise des fringues, et puis pour terminer en soirée, un concert. Voilà. Et puis, on va faire l'annonce pour l'admission de décembre, du 20 décembre. Donc, on parlera de la continuité de revenus pour les artistes et auteuristes qui, actuellement, donc, n'ont pas le droit à l'assurance chômage. Et donc, il y a des collectifs dans toute la France qui se réunissent, dont à Lille. Et on aura une invitée, du coup, de ce collectif pour parler de ce sujet. D'accord, le collectif, c'est à Lille, il s'est réuni à Lille, alors, non ? Oui, mais il y en a, okay. Plusieurs dans toute la France pour pousser une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà. On a une invitée. Voilà. Qui s'appelle ? Fanny. Voilà. Super. On a pas assez de femmes dans cette émission de radio, il faut quand même le reconnaître. Bien, passez un bon week-end. N'oubliez pas demain le film Si vous êtes Lillois. Et puis, la manif, mardi, c'est quand même assez important. Actuellement pour défendre encore nos services publics. À bientôt et on se retrouve le 20 décembre. Indigné, le village s'est enfin réveillé. Avec nos minces économies, on a créé l'école de la vie. Dans ce collège, un professeur qui a gardé son grand cœur nous fait copier sur du papier des mots qu'on écrit volontiers. Prenez du temps, riez souvent, vivez pour vous et pour les gens. Soyez sereins, restez confiants, n'ayez crainte que de temps en temps.